La délégation du Parti Travail de Corée en visite au Vietnam a déposé le Saint-Coran, une couronne de fleurs, devant la tombe du président Ho Chi Minh à Hanoï pour rendre hommage.